Et nous leur avons dit qu'il n'était pas possible de se poser sur le toit. Nous nous sommes rapprochés de très près. Je pouvais voir le haut du toit. Et je me souviens d'un bras et d'un visage dans la fumée. Et une serviette blanche qui s'agitait. Mais nous ne pouvions rien faire. Aujourd'hui c'est mardi, je suis arrivé à l'heure. En retard tous les jours, depuis une semaine. Me suis levé plutôt pour ne pas être à la traîne. Sauf que je fais une pause, mate l'extérieur. Le nos carreaux, la tête dans les nuages à 8 heures. De la tour, je compte en grand, grand, grand, grand. Ce matin, la, la, la, le soleil qui se lève et remarque son rouge teint. Qui sont perdus, ces terreurs terrorisent les gens en santé. Ils agissent ainsi par crainte du dernier jugement. Ils vouent et faut leur vie en l'air au nom de Dieu. Mais quelqu'un permet d'assassiner sous ses yeux. Combien de religions abritent des anges méchants? Aucune dans toutes, ils tirent tous des flèches à blanc. De la tour, je compte en grand, grand, grand, grand. Ce matin, le soleil qui se lève et remarque son rouge teint. Le moment présent, je fais ainsi honneur à Dieu et à son présent. Je suis souvent tiré de mes pensées brusquement. La tour est secouée par un violent tremblement. Cerné par les flammes, j'ai fait une mouvement dans le vent. Puis voyant le sang de la première dont je comprends. J'appelle ma femme pour dire que je l'aimais tant. Qu'elle m'attend devant aujourd'hui, c'est jour de jugement. J'appelle ma femme pour dire que je l'aimais tant. Qu'elle m'attend devant aujourd'hui, c'est jour de jugement. De la tour, je compte en grand, grand. I love you so much.